Alors là, ce sont les contrats, et là, les factures. Ça, c'était hier, quand on mettait le nez dans la gestion de ses télécoms et de son informatique. C'était compliqué, ça prenait du temps. Mais hier, c'était hier. Aujourd'hui, SFR invente le pack Business Entrepreneur, la nouvelle solution tout en un, télécom et cloud pour les TPE. Une seule facture, un seul interlocuteur et un service client dédié. Passez au business supérieur avec le pack Business Entrepreneur. Découvrez tous ses avantages au 10.01. Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine. SFR. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le musée de la Chartreuse à Douai propose jusqu'au 6 janvier une exposition intitulée « Corot dans la lumière du Nord ». De quoi inspirer Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Corot est le grand peintre paysager du 19e siècle. L'homme des lointains brumeux et des frondaisons frissonnantes. Je me suis dit qu'il conviendrait bien à cette émission de Toussaint. C'est ce que je disais tout à l'heure à Pierre de Villeneuve et ça a été mal interprété puisque tout le monde a éclaté de rire en régie oui, en disant « c'est pas très vendeur ». Mais si, parce que vous allez voir, c'est tout un climat, c'est tout un univers. Et j'ai demandé évidemment à notre homme de l'art de venir nous en parler. Jour férié ou pas, Serge Lega a répondu présent et je l'en remercie. Et à propos de Toussaint, vous répondrez tout à l'heure à la question de Laurent sur les chrysanthèmes. Oui, on reste dans la note. Alors nous reviendrons sur toutes ces traditions automnales. Pour le moment, je vous propose de faire mieux connaissance avec Corot et avec ces peintres de la nature que l'on a réunis sous le nom d'École de Barbizon. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. J'y reviendrai donc tout à l'heure pour répondre à la question de Laurence. Dans le calendrier liturgique, la Toussaint est, comme son nom l'indique, la fête de tous les saints. Et pourtant, comme nous sommes à la veille du jour des morts et que cette période du ciel gris et de la chute des feuilles, pour ne rien dire de la pluie, aujourd'hui à Paris, est une des plus sombres de l'année, quelque chose de mélancolique s'attache à cette fête que les anglo-saxons ont transformée en une sorte de danse macabre à travers Halloween. Pour ma part, il me semble qu'il est bon de chercher la beauté en toute chose, y compris dans cette grisaille. Alors j'ai sous les yeux une reproduction de la plus célèbre toile de Camille Corot, Souvenir de Mortefontaine, un tableau exposé au salon de 1864, acheté aussitôt par les responsables des Beaux-Arts du Second Empire, un tableau où éclate justement ce type de froide beauté ou de belle froideur, je ne sais pas exactement quel terme il faudrait employer. Certes, la scène représentée est printanière, si l'on se fie à la floraison et aux feuilles sur les arbres. Mais ce paysage d'étang embrumé, avec ses glacis de gris opaque et de verdâtre, ce coup de vent qui pourrait bien être frais, et au-delà des éléments concrets, l'atmosphère délicatement morbide de l'ensemble paraissent un hymne serein aux maturités, aux résignations de l'automne. Du vert, du gris bleu, du blanc plus ou moins laiteux, plus ou moins habité, d'une luminosité diaphane et faisant vibrillonner l'ensemble d'imperceptibles touches de couleurs qui sont la signature du maître Corot. La lumière presque blanche, a écrit Annette Robinson, est filtrée par le feuillage d'un grand arbre dont la ramure couvre d'ombre le premier plan. Contrairement à l'habitude, toute la lumière est concentrée à l'arrière-plan sur cet étang immobile qui réfléchit les arbres de la rive opposée et le ciel. Corot a 68 ans quand il expose cette toile et l'humoriste Gilles s'exclame « Toujours la même chose, un chef-d'œuvre, que voulez-vous ? Corot ne sait faire que cela. » Il fait partie, ce Camille Corot, il fait partie d'un petit groupe de peintres qui, au milieu du 19e siècle, a décidé de retourner à la nature. On peut pas dire d'ailleurs que tous ces peintres sont de la même inspiration, mais tous professent une admiration commune pour la peinture hollandaise du 17e siècle, pour le paysage anglais contemporain. Ça, c'est très important. On va y revenir dans un instant avec Serge Lega, cette influence de ce qui se passe outre-Manche, dans la grasse campagne anglaise où certains maîtres se sont fait une spécialité des troupeaux de moutons et de vaches à l'époque. En France, en Île-de-France, devrais-je dire, Camille Corot va lancer une nouvelle école. Il va faire école, il va lancer une mode, peut-être plus exactement. Il est né à la toute fin du XVIIIe siècle, en 1796, et il mourra en 1875. Voyez donc, il est l'incarnation même d'une certaine esthétique 19e, comme Théodore Carvel d'Aligny, évidemment, comme Paul Huet, on en parlera dans un instant. Chacun a sa propre attitude vis-à-vis de la nature et conserve sa manière bien à lui. Si vous voulez, il n'y a pas de doctrine très précise. On est encore loin de ces écoles, j'ai envie de dire, un peu dictatoriales. Hein, l'impressionnisme, le pointillisme, le cubisme, etc., qui donneront des injonctions aux différents artistes. Là, non, on est plutôt dans une sorte d'inspiration commune. On peut dire qu'à force de se retrouver dans le village de Barbizon, près de Fontainebleau, tous ces gens vont donc vont créer une sorte d'harmonie et de cohérence. Ils vont donner naissance à quelque chose de très puissant, un des courants stylistiques les plus importants de toute cette période, où se mêlent réalisme, romantisme et sans doute aussi une part de classicisme. Alors entendons-nous bien, l'expression « école de Barbizon » ne sera employée que plus tard, évidemment, c'est toujours comme ça, hein, ça vient après coup. Les gens qui, à l'époque, sont en train de créer ce nouveau courant, ne sont pas conscients qu'ils sont en train de mettre sur pied une nouvelle école. Tout ça viendra à la fin du 19e siècle, autant dire 20 ans après la mort des peintres les plus célèbres du mouvement. Donc, c'est peut-être pas une école à proprement parler. Disons plutôt que le village de Barbizon est devenu un centre d'attraction pour les peintres et qu'il a fini par incarner un nouvel engouement pour le paysage peint d'après nature. C'est ça qui compte. C'est que là, on ne peint pas sur le motif, on ne peint pas après coup, rentrer à l'abri de son atelier, on place le chevalet au cœur même de la nature. Alors, faites le situer un peu, ce village de Barbizon, on est en forêt de Fontainebleau, hein, dans la Seine-et-Marne. Le peintre Amédée Servin écrit à son ami Georges Gassy en 1851, il lui demande de venir et il lui dit « C'est dans la forêt de Fontainebleau », il parle de Barbizon bien entendu, « à l'endroit le plus admirable, on fume des pipes sous les grands chênes et on peint des rochers de toutes les couleurs, tu verras comme c'est beau ». C'est vrai que le paysage évidemment est très flatteur pour le regard des peintres. Cette forêt de Fontainebleau, vous savez, elle a été pendant tant de siècles la villégiature, le lieu de chasse des rois de France, bien entendu. Le hameau de Barbizon est tout petit, hein. À l'époque, c'est quelques dizaines de maisons seulement. Ça ne deviendra une commune au sens propre qu'en 1901. Et les habitants, pour l'immense majorité d'entre eux, ce sont de bien modestes paysans. Mais alors, des paysans qui présentent un pittoresque qui va fasciner un certain nombre de peintres. Je pense à Millet, évidemment, on va y revenir. Et puis, un village qui se situe dans la plus fabuleuse des natures, avec des chênes centenaires, avec des bruyères roses, des rochers gris-argentés qui miroitent au reflet du soleil, et puis partout des étangs, des mares, oui, cette forêt qui continuellement change d'aspect, bien entendu, et à laquelle chaque saison va conférer un charme particulier, et puis cette plaine envahie par les moutons et les bergers. Vous voyez que finalement, on ne pouvait pas rêver pour ces peintres qui veulent donner un sentiment de la nature et de la paysannerie dans ce cas-là à la fois de plus simple, de plus pittoresque, de plus humain, on ne pouvait pas trouver de lieu qui soit davantage favorable à l'inspiration. Mignonne, quand la lune éclaire la plaine, au bruit des radieux, lorsque l'étoile du mystère revient, sourire aux amoureux. As-tu parfois sur la colline, parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine que chantent les blés frémissants? Descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore. Quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Où nous irons écouter la chanson des Blédors. On écoute Armand Mestral sur Europe 1 avec un extrait de la chanson des Blédors. Et oui, retour au village de Barbizon. Vous avouerez qu'écouter à 14h12 sur une grande radio nationale la chanson des Blédors, on se dit que ça fait plaisir de travailler sur Europe 1 tout de même. Alors, pourquoi cet attrait des peintres pour Barbizon? Mais je vous l'ai dit, c'est cet attrait nouveau pour la nature. N'oubliez pas que la nature, jusqu'ici, a été considérée au mieux comme un simple décor. Vous voyez, et la forêt elle-même était plutôt un endroit qui faisait peur. Faut pas oublier qu'elles étaient les forêts de France jusqu'à la fin du XVIe et même encore au XVIIe siècle, et même au XVIIIe, pensons aux bandits de grand chemin, elles étaient infréquentables, dangereuses. Et puis il y a eu cette influence de la campagne anglaise, de ces artistes de paysage qui, au début du XIXe siècle, notamment avec Turner et Constable, on va y revenir tout à l'heure, vont réinventer en quelque sorte cette nature. Et depuis 1800, on va dire depuis les années 1830, il y a eu cette chose, c'est 1834 exactement, l'invention des tubes de peinture en zinc, vous savez, ces petits tubes de peinture hein, qu'on a quand vous avez de la gouache à l'école, mais qui permettent, mais c'est vrai aussi pour la peinture à l'huile, et ça permet de transporter la peinture et de la garder dans toutes les conditions, donc on va pouvoir se mettre à travailler en dehors de l'atelier, ça change tout ça. Alors, je ne vous dis pas que tout le monde s'est mis au diapason. À l'école des Beaux-Arts, dans le concours pour le prix de Rome, évidemment, on continue à peindre mentalement des paysages que l'on a retenus de mémoire, en quelque sorte. Et puis surtout, on les peuple de figures historiques ou mythologiques, etc. Mais certains artistes qui veulent se rapprocher du naturel ont l'intention d'aller planter directement leur chevalet en pleine nature. Or, à partir de 1849, n'oublions pas l'autre grande invention, parce qu'on a vu le tube de peinture, mais il y a le chemin de fer. C'est-à-dire que la forêt de Fontainebleau, d'un seul coup, est accessible par le train. Le chemin de fer relie Paris à Melun. Quand vous êtes arrivé à Melun, eh bien, il ne vous reste plus que 9 kilomètres à faire. Alors vous dites comment? Bon, à l'époque, c'est tout simple, hein, à pied avec votre chevalet plié sous le bras. Hein. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. On traverse Damary-les-Lys et Chailly-en-Brière et on arrive tout de suite, en fait. Barbizon réunit les conditions pour attirer les artistes qui cherchaient un peu de liberté et d'authenticité. De 1825 à 1875, ça fait en gros 50 ans, ça fait un demi-siècle. Pendant ce demi-siècle, Barbizon va devenir le centre géographique et spirituel des peintres paysagistes. Ils veulent travailler d'après nature, ils veulent fuir la civilisation urbaine, les débuts de l'industrialisation, et ils viennent dans cette nature considérée comme un refuge. Je cite cette fois Georges Gassy. Barbizon est un endroit très tranquille où l'on pouvait sans crainte d'être dérangé, travailler paisiblement, être logé et nourri à bon marché. Aussi la réputation du village se répandit-elle dans les ateliers des peintres de Paris et surtout chez les paysagistes et les animaliers qui étaient sûrs de trouver dans le pays de nombreux modèles. Mais oui, on a tout sur place. On a le gîte et le couvert, on a les paysages fabuleux, on a même les figurants et même les animaux, vous imaginez. Alors, bien des peintres vont se laisser séduire. Bien sûr, le plus célèbre, c'est Jean-François Millet, qui vient à Barbizon en 1849 et qui s'installe chez les Gannes. Je vais venir à l'auberge Gannes dans un instant, jusqu'à sa mort. Lui s'intéresse d'abord au travail des paysans. Vous savez, c'est peut-être ce qui, du reste, va expliquer sa très grande popularité, cette capacité qu'il avait à rendre la vie rurale. Charles Jacques arrive avec lui. Il y a également Théodore Rousseau qui arrive à peu près à la même époque. Alors lui, il aime surtout les levers et les couchers de soleil, vous savez. Il est fidèle au village depuis 1833 et ce sont les chênes, lui, qui l'ont attiré d'abord. Et puis cette luminosité si particulière de la région. Je vous dis qu'il est très intéressé par la lumière et par le soleil, lui, déjà, si j'ose dire. Il s'installe dès 1846 dans une maison de la Grande Rue au numéro 55 et il va transformer la maison avec un atelier à l'étage, etc. On voit encore tout ça aujourd'hui. Il mourra en 1867. Et puis arrive ensuite Hervier, d'Aubigny, Courbet même, qui découvre Barbizon dès 1841. Et puis, je parlais de vaches tout à l'heure, faut pas oublier Troyon, bien entendu, hein, vous savez, avec ces espèces de groupes de vaches qu'il peignait quasiment grandeur nature. Alors, ces précurseurs sont rejoints plus tard par ceux qui un jour dépasseront l'école de Barbizon, par Bazille, Monet, Renoir, Sisley. N'oubliez pas que Moret-sur-le-Loing est tout près de là. Ces jeunes artistes vont faire évoluer les créations des maîtres de Barbizon, ils les dépasseront un jour et ils inventeront une nouvelle manière de peindre. Là, ce sera l'impressionnisme. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore à cet impressionnisme. Et je dirais même, on n'y est pas du tout. Alors, inutile de vous dire que Barbizon est devenu très vite célèbre. Il ne faut pas oublier l'importance culturelle majeure de la France. Il y a deux grandes puissances à l'époque, c'est la France et l'Angleterre, évidemment. Donc, à partir du moment où les principaux peintres français se réunissent dans ce village de Barbizon, Barbizon fait école dans le monde entier. Chez les Belges, bien entendu, avec des peintres comme Xavier César de Coq, par exemple, comme Hippolyte Boulanger, qui fondera l'école de Tervuren, qu'on appelle le Barbizon belge, et puis un certain nombre d'autres, et des Roumains, et des Suisses, et des Italiens, et des Allemands comme Liebermann, et des Hongrois, et des Américains, je pense à Wyatt Eaton bien entendu, à Inès, à Robinson, des Hollandais, enfin, etc. Quand je dis des Hollandais, Quittenbrover notamment, va inviter son ami, un certain Jonkind, qu'on appelle Jonquin en français, vous savez, ça vient de là. Alors, le point de rencontre, le creuset de toute cette brillante école, c'est donc l'auberge des époux Gann. François Gann était au départ, il était tailleur. Et Edmé, sa femme, tenait une épicerie. Il décide de s'installer en 1824 dans une vaste demeure située dans la grande rue de Barbizon. Gann inscrit auberge sur la façade, qui devient une devanture. Du coup, on a le bouchon de genévrier, vous savez, qui désignait à l'époque les débits de boissons. Et alors, vous avez là une boutique, bien entendu. On vend du sucre, du café, de la cannelle. La boutique sert en même temps de chambre à coucher pour les époux Gann. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment, et par fonction, ils sont les premiers levés et les derniers couchés, puisqu'ils dorment quasiment dans le hall de l'auberge, d'une certaine manière. Et puis, à droite, vous avez la salle des officiers, parce qu'à l'époque, on ne mélange pas les militaires avec le reste. Hein. Vous voyez bien à quelle époque on est, hein, dans ce milieu de 19e siècle. Donc là, la salle des officiers à droite, et puis à gauche, la salle plutôt des artistes, avec leur salle à manger. Et puis, les chambres sont au premier étage, mais évidemment, il n'y a pas assez de chambres pour loger tout le monde. Alors, il arrive qu'il y ait 2-3 lits par chambre, on ajoute même des lits de camp, ça devient des véritables dortoirs. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on peut être hébergé et nourri chez les Gann pour une somme modique. Et puis on trouve dans ce qu'on appelle l'épicerie, mais en même temps ça fait droguerie, et vous trouvez tout le nécessaire évidemment en termes de toiles, de couleurs, de pinceaux, et tout ce que vous voulez. 3 repas et le logement en 1852, ça revient à 54 sous par jour. J'ai compté ce matin, ça fait un peu plus de 2,50 francs. C'est pas énorme, vous voyez, ça fait 90 francs, moins de 100 francs par mois. Nombreux sont dès lors les peintres qui vont venir séjourner là, mais d'autres choisiront de ne pas résider dans le hameau, ils habiteront les villages voisins, parce qu'on parle d'école de Barbizon, mais il y en a qui habitent à Chailly, à Marlotte, à Fontainebleau même, bien entendu, d'où ils viennent de temps en temps. L'auberge durera jusqu'à la guerre de 70, et puis après la guerre, l'héritier de la maison, Joseph Bernard Lugnot, qui est le mari de Victoire Gann, fera construire alors une villa, une élégante maison avec une toiture un peu façon château, la villa des artistes. À ce moment-là, on peut dire que la clientèle change, le prix tout simplement a changé. Hein. Et l'auberge, eh bien l'auberge, elle deviendra un jour, quand je dis un jour, c'est très tard, en 1995, elle deviendra le musée de l'école de Barbizon. Quand vous allez là-bas aujourd'hui, vous vous promenez parmi tous les ateliers, vous voyez ce paysage extraordinaire. La ville, bien que devenue très touristique, a conservé une sorte d'atmosphère bien particulière et vous ne repartirez pas, s'il vous plaît, de Barbizon sans avoir été faire un petit tour chez les Gann. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et on revient avec vous, Franck Ferrand, au cœur de la forêt de Fontainebleau, dans le village de Barbizon. Eh oui, alors à quoi ressemblait la vie quotidienne des peintres de Barbizon? Des peintres à Gann, comme disaient les paysans du coin, parce que pour eux, c'était les peintres qui logeaient chez les Gann. Il devait y avoir une petite forme de mépris ou d'amusement, on imagine bien, chez ces paysans locaux qui voyaient arriver ces messieurs à barbe et chapeau, avec leur chevalet. Alors, ça commençait par le réveil au son de corne, parce que les vachers, le matin, emmène les animaux, etc. C'est quand même la vie de la campagne. Les coqs, faut imaginer tout ça. Entre parenthèses, c'était une vie qui devait être incroyablement saine et qui fait envie. Hein. Ils n'étaient pas stressés, comme on dirait aujourd'hui, les pintaganes. Alors, les voilà qui partaient le matin avec leur baluchon, hein, leur sac sur le dos, la boîte de tubes de couleur, le tabouret pliant, bien entendu, le parasol, un pochon avec le pique-nique, et puis deux toiles sur châssis, une pour le matin et une pour le soir, parce que, évidemment, pour des raisons de luminosité bien évidentes, on peint toujours deux toiles à la fois quand on est, quand on fait des tableaux d'après-nature. Alors, au moment du déjeuner, tous ces peintres se réunissaient, bien entendu. Alors, il y avait notamment, nous dit un des témoins, un jeu d'adresse qui consistait, tenez-vous bien, à lancer la pique du parasol comme un javelot sur la malheureuse bouteille placée sur un rocher à une distance convenable. Et puis, on mangeait, bien sûr. Le pique-nique était fait par Madame Gann, hein, qui soignait ses pensionnaires, bien entendu. Alors, vous aviez tous les jours deux œufs durs, un petit morceau de viande froide, un peu de reste du dîner de la veille, un morceau de fromage et, attention, ça c'est très important, une flasque de vin, bien entendu. Le dîner, lui, avait lieu à l'auberge. Madame Gann et sa fille faisaient la cuisine pendant la journée, puis le soir, c'était elle qui servait à table. Pain et vin à discrétion, et puis le menu, viande, légumes, toujours un bouillon en entrée, et puis un petit dessert, voilà. Alors ce dîner était très animé. Il faut imaginer une espèce de veillée permanente dans cette maison Gann, avec des discussions entre les artistes qui se prolongeaient jusque tard dans la nuit. On fumait la pipe, on racontait des histoires, on se parlait d'art, etc. Et à partir de 1850, chaque samedi, dans la grange de Rousseau, vont avoir lieu des réunions, alors qu'ils sont des réunions qui réunissent toutes sortes de personnalités. Mais alors là, il y a des amateurs qui viennent de Paris, Tillot, Sancier, des critiques comme Thory Burger, des littérateurs comme évidemment Théophile Gautier, c'est le plus célèbre, et puis d'autres peintres qui viennent, ou des illustrateurs. Je pense à Daumier, à Ziem, par exemple, qui viennent. Bon. Et parfois, quand il ne fait pas beau, on a tendance à aller se réfugier dans les étables, les écuries, les bergeries, etc., que pour quelques menus monnaies, les paysans du coin louent, ce qui permet de continuer à travailler sur des modèles de vaches ou de ce qu'on veut. Et puis, de temps en temps, quand il fait alors très beau, en revanche, on s'en va escalader les rochers de la forêt de Fontainebleau. Je vous dis, une vie relativement idéale, finalement. Le père Benoît Noni louait volontiers sa grande ferme, qui avait l'air, nous dit un témoin, d'avoir été créée pour les peintres. On y trouvait tout, le gros tas de fumier, les vieilles charrues de bois, les colliers de chevaux, l'air des granges où on battait encore au fléau le blé étendu sur le sol, toutes les choses qui font le bonheur des peintres coloristes. Et tout ça va donc durer jusqu'en 1875, on va dire jusqu'au début de l'impressionnisme. Alors, je n'ai peut-être pas suffisamment souligné la variété des paysages, hein, faut le dire, parce que vous trouvez à Barbizon une variété de paysages absolument unique en Île-de-France, des sites escarpés et sauvages grâce évidemment à la forêt de Fontainebleau et à ses grands rochers, vous avez les gorges d'Apremont, vous avez la lande d'Arbonne, le plateau de Bellecroix, et puis des plaines uniformes magnifiques pour les couchers de soleil, Chailly, Macherin, etc. À la grande époque, la question principale pour tous ces peintres, c'est de trouver un endroit vierge, sans chevalet, si possible avec un point de vue différent de tous ceux qui ont déjà été peints. On est quand même loin de la solitude exploratoire d'un Camille Corot. Lorsqu'il venait, lui, parmi les tout premiers dans cette forêt de Fontainebleau, il y venait dès 1822. Il n'aurait pas aimé, je pense, la bousculade qu'avait fini par devenir Barbizon, mais en revanche, il aurait adoré la passion de tous ses chers collègues pour cette nature extraordinaire. Il le disait lui-même, « Jamais on n'étudie assez la nature ». Bonjour Serge Legas. Bonjour. Merci Franck. Beaucoup d'être venu nous parler de Corot. Alors, on va parler un peu de cette école de Barbizon, de cette révolution de la peinture paysagiste, et puis bien sûr de la vie de Corot lui-même, parce que moi j'ai fait exprès pour l'instant de garder le suspense et de ne pas en dire un seul mot. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi du peintre Camille Corot, avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Serge Lega, historien d'art, conférencier des musées nationaux. Et oui, à l'occasion donc de cette exposition qui s'est ouverte il y a quelques jours à la Chartreuse de Douai, hein, dans le Nord, et qui s'appelle Corot dans la lumière du Nord. On va voir pourquoi justement avec Serge Lega. L'école de Barbizon, c'est un peu après Corot. Lui, il est en quelque sorte, c'est l'avant-garde, c'est celui qui va lancer les choses, Serge. C'est une sorte de découvreur. Voilà, hein, c'est l'idée de venir justement en dehors de Paris. Corot sera toute sa vie un itinérant. Donc Barbizon, c'est une étape parmi d'autres dans ses nombreux voyages, dans ses pérégrinations. Mais c'est vrai qu'il met vraiment Barbizon sur le chemin des artistes. Et les artistes reviendront par la suite. Simplement, la différence, Corot ne s'est pas installé à Barbizon. Oui, les peintres dont vous avez parlé, Franck, eux s'installent à Barbizon. Oui, voilà. Mais c'est donc, on pourrait presque dire, la génération d'après. Hein. C'est juste, oui, c'est une génération d'écart. Juste une génération d'écart. Est-ce qu'il considère Corot comme un maître, comme un modèle? Il le considère comme un exemple. C'est un maître très débonnaire. Le terme de maître n'est pas un mot qu'il aurait beaucoup aimé, mais il aimait servir un petit peu de point de départ, et c'est ce qu'il est pour tous ses artistes. Alors, il faut raconter un peu sa vie. D'abord, c'est un Parisien, ce Corot. Ah, c'est un Parisien, c'est pas du tout un campagnard. Ce qui mérite d'être souligné, il n'y en a pas tant que ça de peintres parisiens. Il est un vrai Parisien. Il est né rue du Bac à Paris, donc on est vraiment en plein cœur de Paris. Il est né, comme vous l'avez dit, en 1796, et il est très inscrit dans un milieu qui serait le milieu de commerçants aisés parisiens. C'est une famille qui est une famille qui a pignon sur rue, et lui se situe dans ce milieu qui n'est pas forcément un milieu très propice pour une carrière artistique. Non. Et donc, comment est-ce qu'il va y venir à l'art? C'est ça. Alors, il a une grande chance. Il a la chance d'avoir des parents qui ont l'intelligence de comprendre la vocation de leur fils. Donc, une fois qu'ils auront compris que d'abord, ils ont vu qu'il faisait pas d'étincelles à l'école. Ah non, c'est ce qu'on appelle un élève sans éclat. J'aime beaucoup la formule. Ça veut tout de suite dire beaucoup de choses. Beaucoup de parents reconnaîtront. Il fait des études au collège de Rouen, au collège de Poissy, et vraiment sans aucun talent. Et ses parents le placent ensuite comme commis drapier. Et alors là, il est tout aussi sans éclat qu'il l'était dans ses études. Ça ne l'intéresse absolument pas. Le commerce l'ennuie profondément. Et c'est là où ses parents seront tout à fait intelligents et comprendront qu'ils ne veulent pas le bloquer dans cette carrière qui n'est pas faite pour lui. Et Corot va commencer. Alors ça, c'est assez intéressant. Entre parenthèses, de la part des parents, c'est quand même tout à fait louable. Et d'autant plus qu'il n'a pas 36 frères. Hein. Il a juste deux sœurs. Exactement, en fait. Il a deux sœurs. Il est le seul garçon de la famille. Ah oui, et on aurait pu imaginer qu'il reprenne le flambeau familial, ce qui aurait été cohérent. Bien sûr, on oui. a beaucoup d'exemples dans la génération suivante de parents qui vont s'opposer aux carrières artistiques. C'est le cas de Cézanne, par exemple qui bien va sûr, se battre hein, pour devenir peintre. Corot, ce ne sera donc pas le cas. Et ce qui est assez intéressant, c'est que alors qu'il travaille comme commis drapier, je l'ai dit sans aucun éclat, il suit déjà des cours du soir. Donc il y a quand même déjà des cours un de intérêt. Dessin, voilà, de dessin. Cours de dessin. Et alors ça, c'est vraiment un endroit, Franck, merveilleux, puisqu'il suit les cours de ce que l'on appelle l'Académie Suisse, qui n'a absolument rien d'helvétique. D'une certaine façon, elle est dirigée par Charles Suisse, qui est un Genevois. Donc quand même, il y a un petit jeu de mots entre son nom et l'Académie. Et c'est une Académie très libre. C'est une Académie où les artistes font un peu ce qu'ils veulent. Ça se trouve où, ça? Ça se trouvait Quai des Orfèvres, donc dans l'île de la Cité. Oui. Et les peintres qui encore, étaient là... Décidément, hein, ça, encore un sujet en rapport avec l'île de la Cité, il s'en est passé de ces choses. Beaucoup de choses, ouais. Beaucoup de choses. Et cette académie était une académie, alors que fréquenteront d'ailleurs par la suite tous les futurs impressionnistes. On y retrouvera Monet, Renoir, Pissarro, Sisley. Et Corot est un des tout premiers à suivre ses cours. Et c'est une académie très très libre. On l'avait surnommée le sanctuaire de l'art et du tapage. C'était une atmosphère très libre, et le peintre suisse... C'était au moins ancien... autant une récréation qu'un... Complètement, c'est un ancien modèle. Et qui avait décidé simplement de permettre aux artistes d'avoir des modèles vivants et les laisser faire un peu ce qu'ils veulent. Oui, d'accord, on imagine un peu. Donc, oui, l'atmosphère très une libre. Une partie de la motivation du jeune homme, bien entendu. Il n'est pas seul, hein, bien sûr, il se fait très vite là des copains. Oui, absolument, il commence. Et puis surtout, il comprend une chose, c'est que les cours du soir, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout ce qu'il envisage. Ce qu'il veut, c'est une vraie carrière d'artiste. Et là, il va décider cette fois-ci d'arrêter sa profession, enfin ce qui aurait dû être sa profession. Mmh. Et il va commencer une vraie carrière de peintre vers 1822, et il aura besoin évidemment là d'une formation solide. C'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans la toute première génération des artistes qui ont décidé de travailler, j'ai envie de dire, en dehors des canons habituels des académies. C'est la première vraie génération d'après la Révolution, 1822. On est encore sous le règne de Louis XVIII. Hein. C'est, oui, c'est tôt, et tout et ça. Et c'est même amusant, puisqu'on parlait du peintre suisse qui dirige cette académie. C'est un ancien élève de David. Voilà, on revient bien à l'époque dite révolutionnaire. Cet on y est complètement, absolument. Ouais. Et le but de l'artiste, c'est de se réaliser lui-même. Voilà. Et c'est vraiment l'idée où l'on peut maintenant avoir une carrière. Alors, l'avantage de Corot, c'est qu'il a quand même ses parents qui ont suffisamment d'argent pour lui permettre de débuter une carrière, même si, au fond, les ventes ne seront pas forcément tout de suite au rendez-vous. Il a la chance d'avoir des parents qui peuvent le soutenir financièrement. Oui, il a un petit matelas. Oui, voilà, ça aide, bien sûr. Alors, quelles sont ses premières influences? Est-ce qu'il s'inscrit dans une lignée? Est-ce qu'il a des modèles, en quelque sorte? Et je dirais que les influences de Corot ne sont pas du tout là où on les attend. C'est-à-dire qu'on a longtemps dit, avec beaucoup d'erreurs, que Corot était le père de l'impressionnisme, ce qui est tout à fait faux, puisque Corot est totalement formé à ce que j'appellerais l'école du paysage néoclassique. Il est vraiment dans une formation très, très, très traditionnelle. Les deux maîtres dont il suit les cours, c'est Achille Etna, Michalon et ensuite Jean-Victor Bertin. Alors Michalon, il le suit très peu de temps puisqu'il rentre dans l'atelier en 1822. Le peintre meurt cette même année-là. Mmh. Ensuite, il est chez Bertin, qui sont tous les deux des peintres du paysage classique. C'est vraiment l'héritage de Nicolas Poussin, de Claude Gelée, d'Yves Lorrain au XVIIe siècle. On est vraiment dans l'idée que la nature est une nature qu'il ne faut pas représenter telle qu'elle est, avec mais telle qu'on devrait la représenter. Avec un maître tutélaire que personnellement j'adore, vous allez me dire ça vous fait une belle jambe, mais qui en tout cas est un des plus grands maîtres et à mon avis malheureusement méconnu de la fin du XVIIIe siècle et de ce tout début XIXe, c'est Valenciennes. Hein, c'est exactement ça, puisque et Michalon et Bertin sont soit des élèves, soit des émules de Valenciennes. Valenciennes, c'est vraiment le point de départ d'une évolution du paysage. Et Valenciennes, c'est notamment ce peintre qui, entre autres, peignait des instantanés de ciel et qui faisait des cadrages qui préfigurent ce que seront très bientôt les cadrages photographiques. Hein, il y a quelque chose de très très moderne. Et uniquement dans ses études, c'est là où Valenciennes est étonnant, on retrouvera ça chez Corot d'ailleurs, c'est-à-dire la différence entre les études et les tableaux d'exposition, les tableaux de salon. Des tableaux assez sages et des études d'une nouveauté dessillante. C'est prodigieux parce que Valenciennes, c'est un homme de la fin du 18e qui par sa peinture revient au 17e siècle et qui par ses études annonce tout le 19e siècle. C'est trois siècles en un seul peintre. C'est quand même le plus beau résumé qui soit. Alors, à propos de résumé, si l'on devait résumer l'apport de Corot à la peinture, c'est la peinture en plein air. C'est ce qu'on retient. Alors, oui et non. Puisque les études sont en plein air, études qu'il n'exposait jamais. Donc c'est vraiment une part de travail personnel. D'ailleurs, Franck, vous parliez de l'école de Barbizon. On a beaucoup dit que l'école de Barbizon était une école du plein air. C'est pas forcément le cas. Jean-François Millet ne travaille jamais d'après nature. Oui, Millet, c'est un peintre d'atelier. Il travaille en intérieur. Même si son atelier est à la campagne. Mais absolument, enfin, néanmoins, il travaille en intérieur. Par contre, Daubigny, à Barbizon, est sûrement le peintre qui travaillait le plus en extérieur, et Théodore Rousseau, tantôt en intérieur, tantôt en extérieur. Donc il n'y avait pas de règles, véritablement. D'où d'ailleurs ce que vous avez très bien dit, l'école de Barbizon est tout sauf une école. Oui, voilà, il y a toutes les variantes possibles. Mais Corot, lui, fait ses études en plein air, et ensuite avec ses études, il rentre dans son atelier, et il peint en atelier, c'est ça en fait. Il a même trois possibilités. Il fait les études en extérieur, il fait les tableaux en atelier, il aura même, beaucoup plus tard, dans les années 1850, la peinture dite de souvenir. Vous parliez de souvenir de Mortefontaine, c'est-à-dire là carrément des tableaux qui sont faits de réminiscences et qui ne sont même plus basés sur un contact, qui est un contact visuel, mais le contact de l'esprit et de la mémoire. Eh bien voilà une idée reçue que vous venez de battre en brèche. Nous allons voir dans un instant que ce Corot est allé s'inspirer de quelques-uns des plus beaux paysages d'Europe. Il a parcouru la Normandie, il est allé jusqu'en Italie, à Rome, à Naples, à Venise. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Thank you. extrait de la sublime méditation de Thaïs de Massenet, interprété ici par Ivry Gitlis. Et j'en profite pour vous signaler que dimanche, Arlette Chabot diffusera une interview qu'elle a faite d'Ivry Gitlis. On est dans cette interprétation très particulière, très personnelle et à mon avis très émouvante. Vous nous parlez, Franck Ferrand, cet après-midi du grand peintre paysager Camille Corot à l'occasion de l'exposition Corot dans la lumière du Nord au musée de la Chartreuse à Douai qui y est jusqu'au 6 janvier avec votre invité Serge Lega, historien d'art, conférencier des musées nationaux. Vous l'avez visité, vous, l'exposition, Serge ? Belle exposition, oui. Très belle exposition parce que justement Corot est évidemment le grand héros de l'exposition, mais il n'est pas seul puisqu'il est entouré de tous ces peintres que d'une certaine façon on découvre un peu si on n'est pas vraiment natif du Nord de la France, c'est-à-dire l'école d'Arras. Et cette école d'Arras est vraiment totalement basée sur une figure qui est Constant du Tilleux, qui sera un ami de Corot. Les deux hommes se sont rencontrés à Paris en 1847. Du Tilleux admire aussi bien Delacroix que Corot. Et la rencontre avec Corot sera la naissance d'une très belle amitié entre les deux hommes, ce qui explique que Corot viendra régulièrement dans le Nord, séjournera assez souvent dans les paysages du Nord. C'est un homme qui voyage et ses voyages sont évidemment émaillés de belles rencontres. Je pense notamment à Théodore Carvel-Daligny, hein, qu'il rencontre très tôt en Italie. Puisque Corot a fait 3 séjours italiens. Il part très jeune en Italie, puisque son premier séjour italien est de 1825 à 1828. Il y retournera en 1834 et en 1843. Et c'est lors du premier séjour qu'il a rencontré Théodore Carvel-Daligny, qui est aussi un paysagiste néoclassique, un petit peu dans la même mouvance que Corot. Et ce qui est très intéressant, c'est que Corot a Rome passe pour un homme un petit peu introverti. C'est un grand timide, Corot. C'est pas un homme qui aime beaucoup s'exprimer. Les autres le regardent, les autres peintres français le regardent un peu de haut. Et celui qui dit, mais attention, ce sera notre maître à tous, c'est Carel de Heldaligny, qui est un des premiers à comprendre ce que sera la force de Corot. Alors j'ai décrit, pour commencer cette émission, j'ai décrit le souvenir de Mortefontaine, qui est sans doute le plus célèbre tableau de Corot. On pourrait parler aussi du souvenir de Marcoussi, qui avait été acheté par l'empereur Napoléon III lui-même, hein, pour sa collection personnelle en 1855. Et je dirais que c'est d'ailleurs une date très importante, puisque c'est au fond la vraie reconnaissance de la notoriété de Corot. Corot est un peintre qui est admiré par les autres peintres, qui est admiré par les écrivains, Baudelaire entre autres, mais le grand public reste encore un peu réservé. C'est seulement dans les années 50 que la notoriété est vraiment en place pour Corot et l'achat par Napoléon III de souvenirs de Marcoussi en 1855, c'est la preuve que cette fois-ci Corot est un maître au sens traditionnel du terme. Alors si on devait décrire ce qui va devenir progressivement, parce que ça s'affirme évidemment avec le temps, ce qui va devenir la patte de Corot, ce sont ces glacis étonnants de gris bleu, de verdâtre, ce sont ces toutes petites touches de peinture hein, qui sont comme des espèces de comment pourrait-on dire, de parcelles de couleurs qui viennent donner au tableau non seulement leur profondeur, mais à l'atmosphère du tableau toute sa densité. C'est une peinture extrêmement délicate, c'est une peinture d'une grande poésie, c'est une peinture qui est basée totalement sur ce que l'on appelle les valeurs, c'est-à-dire les jeux de lumière. On n'est pas chez un coloriste qui travaille avec des couleurs fortes. On est bien dans les écoles du Nord, on va dire. Exactement. Et dans quelque chose de très subtil. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir la différence justement avec les études. Nous parlions tout à l'heure qui, elles, au contraire, sont assez maçonnées avec une peinture assez ferme. Par contre, les tableaux qui sont peints en atelier sont, eux, très poétiquement travaillés avec ces légers frottis, très délicats, très subtils. Et puis, alors, des petites signatures de Corot. Comme il travaille dans les tons de gris bleu, il est toujours dans ces tonalités de gris avec une toute petite tache de rouge qui doit faire chanter l'harmonie. Alors c'est généralement le bonnet d'un enfant, un détail, mais c'est la petite tache de rouge qui fait chanter toutes les valeurs de ton de gris qui sont autour. Moi j'ai le souvenir, alors ça ce sont des souvenirs d'adolescence, mais dans certaines expositions, quand vous avez une ou deux toiles de Corot, je pense qu'on doit pouvoir dire qu'elles se distinguent complètement du reste et on a l'impression d'un seul coup de monter 2 ou 3 niveaux, si je puis dire. Et d'ailleurs les gens, quand vous arrivez, vous disent « Oh, il y a un Corot là-bas, tu devrais aller voir ». Et c'est vrai qu'il y a, est-ce qu'on peut dire tout simplement, l'étincelle du génie là-dedans ? Je crois, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit très très bien dans l'exposition qui est actuellement à Douai, c'est-à-dire qu'il y a Corot et tous ceux qui, dans l'école l'école du Nord, l'école d'Arras, se sont réclamés de lui. Et on voit évidemment l'influence de Corot et on voit aussi par moments cette dimension qui est celle de Corot par rapport à ceux qui se sont inspirés de lui et qui évidemment n'ont pas toujours la même qualité au niveau du travail. Il a eu, lui, de son vivant la reconnaissance. Ça, c'est assez extraordinaire parce que le 19e siècle est fait de cette double famille de peintres. Vous avez d'un côté les peintres officiels qui ont été, alors on leur a décerné la Légion d'honneur, on leur a fait des ponts d'or et aujourd'hui ils sont oubliés ou méprisés. On va les voir dans certaines expositions au musée d'Orsay avec parfois un petit sourire en coin. Et puis vous avez les peintres de génie tout à fait incroyables, mais qui eux ont été des crèves-la-faim et des gens qui ont constamment mal vécu. Et là, lui, il est un peu, on va dire, il est les deux. C'est l'exception puisque par exemple, il est décoré de la Légion d'honneur. Il sera même par la suite officier de la Légion d'honneur. Donc la reconnaissance est là, encore une fois, à partir des années 50. C'est vrai qu'il n'a pas connu du tout la misère. Ce qui sera d'ailleurs très très sympathique, c'est qu'à la fin de sa vie, avec l'argent qu'il gagne, il aidera ceux qui justement ont des fins de carrière difficiles et il aidera beaucoup d'artistes qui, comme Honoré Daumier, sont sans ressources à la fin de leur vie et qui l'aident très nettement. Il aidera également la veuve de Jean-François Millet, donc c'est un peintre très généreux. Et si je puis me permettre une petite parenthèse que je trouve assez révélatrice, c'est le changement du goût qui s'opère au 19e. Les peintres de Barbizon, dont vous parliez tout à l'heure Franck, ceux, j'allais dire, qui ont la chance de vivre assez âgés, connaissent subitement un succès de fin de carrière. Ils connaissent la misère, puis ils connaissent le succès. Et ça, ça vient d'une chose, c'est l'avènement de l'impressionnisme. Et à la limite, la critique officielle se dit, au fond, Barbizon, eh bien, ce sont des vaches qui sont des vaches, c'est pas des grands sujets d'hommes, mais c'est au moins quelque chose de réaliste, alors que les impressionnistes, c'est n'importe quoi, c'est visage bleu, c'est visage vert. Et à la limite, l'impressionnisme fait que Barbizon, subitement, connaît une reconnaissance. C'est le cas de l'Angélus de Millet, qui quitte la France parce que personne n'en veut et qui part pour rien et qui revient pour une véritable fortune lorsqu'Alfred Chauchard l'achète. Évidemment. Et d'ailleurs, quand on et venait... Salvador Dali ensuite en fera... On avait une chose extraordinaire. Quand les gens venaient voir l'Angélus de Millet chez Alfred Chauchard, ils disaient « Ah, ils viennent adorer le veau d'or !» Il y avait cette dimension totalement mythique, évidemment. Alors, Corot va peindre essentiellement des paysages, mais pas seulement. C'est important quand même de le signaler. Hein. Et personnellement, c'est une des parts de l'œuvre de Corot que j'aime profondément, c'est les portraits féminins. Voilà. Corot a une très jolie vision de la femme. C'est une vision très personnelle. C'était pas des tableaux d'exposition, des tableaux qu'il peignait un peu pour lui. C'est pas forcément l'identité des modèles d'ailleurs. On lui connaît pas de liaison ni de. Il ne s'est jamais marié. Pas d'enfant. Indéniablement, il aime beaucoup les femmes. Il a fait entre autres quelques très jolies nues, qui sont des nues assez sensuelles pendant les séjours romains. On a là vraisemblablement des italiennes qui n'étaient pas seulement des modèles pour Corot, mais qui ont dû être autre chose. Et puis à la fin de sa vie, entre autres, la merveilleuse dame en bleu du musée du Louvre, qui est un personnage qui reste encore assez énigmatique, mais c'est un personnage tellement touchant qu'on peut penser que Corot était très attaché à elle. Alors maintenant, ça va être la séquence Arsène Lupin. On ne peut pas évoquer Corot sans parler du problème de ce qu'on appelle les faux Corot, parce qu'il faut dire que cet art, par ailleurs si singulier, est relativement facile à copier. Alors, on a vu paraître, notamment à partir du début du XXe siècle, un certain nombre de faux Corot. On a même vu des faux Corot du vivant de Corot. D'ailleurs, il y a une formule assez célèbre, on dit que Corot a beaucoup peint dans sa vie, qu'il a peint 3000 tableaux dont il y a 10 000 versions aux États-Unis. C'est-à-dire que les collections américaines regorgent de faux Corot tellement le peintre a été. Alors là, il y a trois cas. Soit ce sont des faux au sens traditionnel du terme, on a copié Corot tout simplement parce qu'il était à la mode, soit des tableaux que Corot a lui-même cautionné. C'est-à-dire qu'on a une chose unique dans l'histoire de la peinture, c'est-à-dire qu'on a des tableaux qui ne sont pas de Corot mais dont la signature est de Corot. Par exemple, quand un jeune peintre venait voir Corot en disant « Maître, j'ai travaillé comme vous », Corot lui disait « Mon jeune ami, si vous signez ça de votre nom, ça vaudra 3 francs 6 sous. Si je le signe, vous avez un an pour vivre gratuitement et pour vivre calmement. » Donc c'était la générosité aussi de Corot. Et puis Corot, donc il a signé des toiles qui n'étaient pas de lui en fait. Des Corot qui sont pas des vrais du tout, faux Corot. De vrais faux Corot. Et on avait même une chose, il considérait face aux faussaires, les vrais faussaires, qu'il ne fallait pas être trop dur pour la famille des faussaires. Donc à la limite, il n'attendait pas de procès contre les faussaires pour ne pas embêter la famille des gens qui avaient copié ces tableaux, ce qu'il prenait quand même pour un hommage. Mais quel donc, homme c'est un personnage très, très éminemment bon, au ah vrai oui, sens vraiment, du terme. Délicieux, délicieux on aurait absolument. Aimé le connaître. Oui, c'est un personnage ce très généreux. Alors j'aimerais achever, si vous voulez, Serge Legas, par quelques... On a commencé par la description du souvenir de Mortefontaine. J'aimerais qu'on évoque quelques tableaux. Alors il y en a un au Louvre assez connu qui est un tableau presque de jeunesse, c'est la cathédrale de Chartres, un tableau auquel vous êtes attaché, vous. Oui. Moi, c'est un tableau que j'aime énormément. D'abord, c'est un des tableaux où on est peut-être le plus dans la veine hollandisante, si je puis dire, dans ces tableaux hollandais qu'on retrouve ici très nettement. Et en plus, c'est un tableau assez intéressant pour deux raisons. D'abord, il est peint en 1830, et ça montre aussi le côté un peu timoré de Corot. Corot vient travailler à Chartres à ce moment-là parce qu'il veut éviter la Révolution parisienne. Donc, évidemment, il quitte un peu Paris à ce moment-là. Et c'est un tableau qu'il retouche beaucoup plus tard. Ça, c'est aussi une chose que Corot fait régulièrement. C'est-à-dire qu'il travaille un tableau, il remet sur le métier. Et si le tableau est à nouveau en sa possession, il le retouche. Et puis alors, tout à l'autre bout de sa carrière, si je puis dire, le moulin de Saint-Nicolas-les-Arras. Évidemment, là, on est dans l'école d'Arras, on est dans l'école du Nord. On est dans l'exposition. C'est un des tableaux qui est normalement au musée d'Orsay, qui est actuellement dans l'exposition, et qui est alors là un des tableaux les plus poétiques. Et j'oserais faire une toute petite réserve sur Corot. On a quelques Corot justement à la suite des souvenirs qui sont parfois un peu répétitifs. Alors le moulin de Saint-Nicolas-les-Arras, c'est un des tableaux très élégants, très délicats, et où Corot innove encore par une des techniques alors peut-être les plus légères, les plus subtiles. Les arbres sont traités avec beaucoup, beaucoup de délicatesse. La futaie du premier plan, le moulin apparaît seulement à travers les arbres. C'est un tableau qui est d'une très très grande délicatesse. Charles Baudelaire disait de Corot, c'est un miracle du cœur et de l'esprit. Je crois que Saint-Nicolas-les-Arras, c'est vraiment ça. Entre parenthèses, Saint-Nicolas-les-Arras, la cathédrale de Chartres, le beffroi de Douai. Le beffroi de Douai, il n'y a pas que de la nature. Hein. Du tout, du tout. Il aime aussi les monuments. C'est-à-dire que c'est un peintre certes de paysage, un peintre qui a su saisir la subtilité des lumières, et notamment de ces lumières un peu avares et en même temps divines du Nord, mais c'est un peintre qui ne s'est pas cantonné à peindre de grandes frondaisons et des bords d'étangs et de lacs, comme on a un peu toujours cette image. Merci infiniment Serge Lega. Grâce à vous, on n'a plus qu'une envie, c'est de prendre le Thalys et d'aller voir là-haut cette extraordinaire exposition. C'est au musée donc de la Chartreuse, à Douai, et c'est jusqu'au 6 janvier prochain. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez aujourd'hui, Franck Ferrand, à la question de Laurence qui nous l'a envoyé sur europe1.fr par mail, qui aimerait savoir pourquoi tous les cimetières se parent de chrysanthèmes en ce 1er novembre. Et depuis quand, nous demande Laurence, cette tradition de visiter les défunts le 1er novembre? Alors d'abord, officiellement, les défunts, c'est le 2 novembre. Ce qu'il faut dire, c'est que la Toussaint, c'est bien la fête de tous les saints. Vous savez, on est dans cette espèce de culte des saints et des martyrs qui s'est beaucoup répandu dans les premiers siècles de la chrétienté. Et c'est le pape Grégoire III, au 8e siècle, qui va instituer cette fête de tous les saints, cette fête de la Toussaint. Sauf que, de tradition, pour des raisons qui sont liées à la lumière, qui sont liées à l'automne, on avait l'habitude depuis très très longtemps, alors là ça remonte à la nuit des temps, de célébrer les morts vers cette période. Et pour que cette fête de la Toussaint ne soit pas confondue avec la fête des morts, eh bien, c'est Odilon, le célèbre abbé de Cluny, qui lui va, aux alentours de l'an 1000, va instituer la grande célébration du 2 novembre pour bien faire la différence entre les deux. Mais on peut pas dire que ça a eu un très gros succès, finalement, cette tentative. Alors, d'où viennent les chrysanthèmes? Ces chrysanthèmes, au sens étymologique, c'est la fleur d'or, qui au départ représente le plaisir, le bonheur, etc. Alors vous allez me dire, que fait-elle dans les cimetières? Eh bien justement, elle essaie de mettre un peu de bonheur. Il se trouve qu'elle fleurit précisément à cette époque, ça tombe bien, et ceci explique cela. Mais c'est aussi un symbole d'éternité, en quelque sorte d'immortalité, en tout cas d'immortalité du sentiment. Cette fleur, c'est une fleur exotique, faut pas l'oublier, elle est originaire de Corée, on la voit beaucoup notamment dans les jardins en Chine, au Japon, etc. Au Japon, elle a été adoptée par les empereurs, par les Mikado, comme symbole du trône impérial, et on dit que cette fleur aurait comme vertu magique de prolonger la vie de plusieurs années. Vous voyez, immédiatement et toujours, ce lien à l'immortalité ou à la prolongation de la vie. Les chrysanthèmes sont arrivés en France à peu près au moment de la Révolution, en 1789. C'est le capitaine de marine Blancard de Marseille qui rapporte de Chine la première variété de chrysanthème. Et puis en 1826, un autre capitaine au long cours, il s'appelle Bernet, c'est un homme de Toulouse, qui était venu avec un spécialiste, un jardinier. Il a l'idée de multiplier les chrysanthèmes par semis, d'où les nombreuses variations. Et c'est ça qui est fascinant avec cette plante, c'est que tous les aspects très différents qu'elle peut revêtir. Alors, jusqu'au 19e siècle, on a allumait une bougie sur chaque tombe pour veiller les défunts. Et puis, on va dire à peu près depuis la Première Guerre mondiale, cette habitude s'est répandue de mettre des chrysanthèmes. D'abord à la cérémonie du 11 novembre et puis peu à peu, on va dire par contiguïté, jusqu'à la fête des morts du 2 novembre et aussi à la Toussaint, puisque, disons-le, d'une façon générale, c'est maintenant entré dans les mœurs. La Toussaint, c'est aussi le moment de célébrer nos morts. Sans aucune forme de transition, bonjour Elena. Bon, nous allons allumer une autre bougie avec les experts Europe 1. Nous allons allumer le chauffage, c'est presque de circonstance. Et puis on va surtout faire en sorte de diminuer la facture énergétique de nos maisons. C'est vrai que toutes les sources d'énergie coûtent aujourd'hui de plus en plus cher. On parle même de précarité énergétique. On lutte contre ça, nous avons des solutions pour vous. On attend vos questions, vos témoignages, vos astuces au 39-21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Merci beaucoup Elena, merci à Marion Sauveur. Vous savez qui m'aide à préparer tous ces récits et qui le fait avec beaucoup de... Elle est venue aujourd'hui d'ailleurs Marion, on l'applaudit parce qu'elle est venue avec sa garde d'honneur. Merci à Lorena Martin qui va surmonter son petit coup de froid, j'en suis sûr, elle va revenir très en forme lundi. Et merci à Nicolas Six qui rit tous les jours, même la Toussaint.